Le rôle est plus important que d'être sujet aux méfaits. C'est sans arrêt que je lutte contre la chute. Le combat est perpétuel, c'est les liens qui maintiennent la barque. C'est sans arnaque, sujet aux méfaits, je suis la fée enchantée. Hey, petit, t'aurais pas de cigarette, tout finit ainsi, wesh, la reine d'or, ne balaise pas, mais ouvre l'œil. Parle-en avec ta famille sur ce que tu projettes dans ta vie. Car dans l'action, il y a des lésions, friction, action, c'est comme une projection. On fait tous des erreurs, pour les mineurs, vient l'horreur de jouer avec la pudeur et le feu. On trouve ça chouette, et c'est cette épopée que je te parle. La première Malboro est lui au speed, c'est parti, tu montres que t'es grand, mais personnellement t'as du cran. À espérant que tes parents te passent pas le savon, et c'est la parano qui s'installe. Puis vient la découverte du cannabis, on n'est pas tous à l'abri d'une tuile. Tu as les yeux pétillants, tu marches de façon éloquente. Et quand tu te fais gauler pour la première fois, t'inspires que t'as bu quelques bières. En revanche, enchanté, enchantement, les combos se succèdent. Tu commences à en prendre l'altitude et l'habitude avant les cours. D'où l'erreur et c'est direct lors de call. Où tu fais le con en classe, tu viens à battre de tous ces connos qui me parasitent le cerveau. Le rôle est plus important que d'être sujet aux méfaits. C'est sans arrêt que je lutte contre la chute. Le combat est perpétuel, c'est les liens qui maintiennent la barque. C'est sans arnaque, sujet aux méfaits, je suis la fée enchantée. Quand on te fait du crasse derrière ton dos, on peut être écorché vif, il suffit de subir les conséquences. Et si t'es provoquant mort, alors dors. On te laisse pour mort à croire que tout retombe sur ta poire. À l'âge de la puberté, ne pas savoir sur qui compter, tu peux vite te renfermer. D'où tout tient sur un mouchoir de poche. Réfléchis, subis et instruis-toi. Prends la parole et crache au micro quelques mots. Ne te laisse pas enterrer. Réflexe, prudence, assistance, abstinence. Fais acte de présence et méfiance à toi. Si tu fais pas le ménage, cela devient moralement un carnage. Alors, quand tu débarques avec ton ignorance et ta persévérance et que tu fasses baisser, le bateau coule. Comme tout a l'air de se passer à la bien, entre collègues, on se respecte. Gars, c'est ce que t'inspire indirectement et laisse jaloux ma confiance aveuglément. Mais dans le bis du cannabis, cet esprit de partage et d'équipe te font perdre le niveau intellectuellement, inventivement et très vite de nouveau, tu te retrouves à zéro. Le rôle est plus important que d'être sujet aux méfaits. C'est sans arrêt que je lutte contre la chute. Le combat est perpétuel, c'est les liens qui maintiennent la barque. C'est sans arnaque, sujet aux méfaits, je suis la fée enchantée. Les adultes, je veux bien qu'ils se débrouillent entre eux, car ils sont aptes à prendre des décisions. L'éducation pour eux c'est fini, mais quand tu baratines des minots qui sortent à peine du bercail, l'hélico ou presto, on devrait te faire du travail forcé, au lieu de penser à te défoncer. Maintenant, je suis pas opposé à ceux qui fument du cannabis, on a tous essayé. Cette petite chanson, sur le fond, on est tous un peu targés. Tu peux te retourner la tête autant qu'il te plaît. Mais s'il te plaît, pense à pas oublier d'où tu viens. Cela peut servir à trouver, repousser, écarter tous ceux qui se sont mis sur ton chemin. Le rôle est plus important que d'être sujet aux méfaits. C'est sans arrêt que je lutte contre la chute. Le combat est perpétuel, c'est les liens qui maintiennent la barque. C'est sans arnaque, sujet aux méfaits, je suis la fée enchantée.